الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، نجلس في بيت من بيوت الله في مسجدنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يحفظه من كل سوء ويبارك في العامرين له المصلين فيه والدعاة فيه، ونسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فإن الجلوس لطالب العلم من أفضل منن الله سبحانه وتعالى علينا، وإن الجلوس للتفقه في دين الله تبارك وتعالى من نعمه الكبرى، فقد قال في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالجلوس لطالب العلم نعمة عظيمة يجب علينا أن نقوم بشكرها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فإن النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين. Parmi les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, le fait de pouvoir s'asseoir dans sa demeure, dans une mosquée, parmi les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela afin d'apprendre notre religion, afin de nous rappeler les grands bienfaits d'Allah azza wa jal sur nous, et d'accroître nos connaissances, afin de purifier nos cœurs, de purifier nos langues, et de mettre en pratique et d'appliquer ces connaissances afin de rechercher l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce grand bienfait, nous devons d'être reconnaissants devant celui-ci. Car le bienfait, si tu remercies Allah pour celui-ci, Allah azza wa jal te le maintient. Et il t'ajoute, et il te rajoute subhanahu wa ta'ala. Par contre, si tu es ingrat, ce bienfait diminue jusqu'à disparaître. Nous demandons donc à Allah Azza wa Jal de nous joindre au nombre de ceux qui sont reconnaissants. Wa min a'zami al-'ulum anfa'iha wa ajalliha siratu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa al-asl al-thani min usul hadha ad-din ba'da ma'rifati Allah rabbil 'azim وتوحيده وإخلاص الدين له. الأصل الثاني معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباعه. نعم. Et sans aucun doute, parmi les sciences les plus bénéfiques, les plus profitables, les plus importantes, l'étude de la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم. Et sa connaissance est la deuxième grande base en islam. Et c'est la deuxième partie de la shahada. Et c'est la cause par laquelle Allah Azza wa Jal accepte ton acte d'adoration. Donc de pouvoir s'asseoir dans une mosquée et étudier ce sujet fait sans aucun doute partie des plus grands bienfaits d'Allah sur nos personnes. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre de voir la valeur de ce bienfait. Wallahu al-musta'an. Nous radi'ou shay'an من هذه الدروس التي مضت. Nous allons, avant de poursuivre dans la bataille de l'Ahzab, réviser ce qui est passé comme cours et comme leçon, car le but, pas d'avancer rapidement, mais c'est de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le prendre en exemple et pour se conformer à sa sunna, pour la secourir, la propager et pour réfuter ceux qui la contredisent. Na'am. Voici pourquoi on étudie As-Sira, pas pour passer le temps. Fa عندي بعض الأسئلة وبالله التوفيق. Donc je vais vous poser certaines questions et on révisera ainsi. ما نسب النبي صلى الله عليه وسلم. Le premier point que les savants détaillent est la lignée, la généalogie du prophète عليه الصلاة والسلام. Donc en premier lieu, quels sont les noms du prophète صلى الله عليه وسلم؟ عند من؟ Soyez réactifs afin qu'on prenne le cours sur Ghazwatul Ahzab. Naam. Mohammed, Ahmed. Indaman. Al-Mahi. Al-Hashir. Naam. Al-A. J'entends pas la dernière lettre. العاقب العاقب نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر وأنا العاقب أي لا نبي بعده ومحمد بن من ابن عبد الله ومحمد بن عبد الله ابن من عبد المطلب ابن من ابن هاشم ابن من عبد مناف ابن من ابن قصي ابن من ابن كلاب ابن من رأيت عمي حفظ أولادك أدعو لهم بالتوفيق والبركة جزاك الله خيرا حافظك الله عمي من يزيد جدا واحدا ابن مرة ابن مرة جزاكم الله خيرا فهذا يسرنا كثيرا. Ceci remplit nos cœurs de joie de voir al-Muslimoun yahfadouna nasab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et qui, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qui, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourrait se réaliser cette chose? Si tu sors dehors et tu questionnes n'importe qui sur n'importe quelle personne, il serait incapable de se citer toutes ces connaissances-là concernant qui que ce soit. En dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Liannahu afdalu khalqillah tabaraka wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam. Thaniyan, mata wulida an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, quand est-ce qu'est né le prophète alayhi salatu wa sallam? L'année, le mois et le jour, c'est-à-dire le jour de la semaine. Quelle année? Adam, Amel Fil, Zakallah Khairan. À quel âge Adam maintenant? Comment? 14 ans? Allahumma barak, kaburt. Naam. Amel Fil. Pourquoi est-ce qu'on a appelé cette année Amel Fil? Indaman. Naam, Dillah. Kaaba est venu pour attaquer le Kaaba avec un ou plusieurs éléphants immenses. Naam. Quelle fut sa finalité? Quelle est la finalité de celui qui tente de s'en prendre à la Kaaba? Allah Azza wa Jal akhza wa adhalla. Naam. Tayyib. Wa shahr inda man? Rabi'in al-awwal. جزاك الله خيرا واليوم اليوم الاثنين نعم، كما في حديث أبي قتادة عند مسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له في صيامه يوم الاثنين، فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأوحي إلي. نعم. Maintenant, le jour. Hein? Non. Yani, j'entends par cela le numéro. Je ne sais pas comment formuler. Est-ce que c'est le premier du mois, le dixième, le vingtième? Quel jour? Quant au lundi, ça a été dit. Il n'y a pas de preuve sûre sur le moment du mois. Naam. Certains ont dit le 8. D'autres ont dit le 10. Et ce qui est répandu, le combien? Le 12. Tayyib. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quelle était sa situation familiale? Quelle était sa situation familiale? Mahdi. كان يتيما، il était orphelin. Qui est l'orphelin en islam? Que signifie orphelin? C'est celui qui a perdu son père avant ses... T'es d'accord, Yanis? T'es pas d'accord? Tu vas contredire quelqu'un qui est plus vieux que toi? Oui ou non? Je t'ai mis dans un problème. Oui, c'est le haq, il est avec toi. Bi adab, avec comportement et sagesse, tu le contredis parce que le haq est avec toi. Et si l'enseignant il se trompe, tarud alayh, tu le réfutes avec sagesse parce que le haq est avec toi. Puis on discute. Tafadhal. Ahsant, barakallahu fik. Comme a dit notre grand frère, notre grand petit frère Yanis, hafidhahullahu ta'ala, celui qui a perdu son père, qabla al-bulugh, avant sa puberté. Avant sa puberté. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc perdu son père avant sa venue au monde. Quant à sa mère, elle est décédée alors qu'il avait quel âge? Ndaman. Sofiane. 4 ans. Est-ce que vous êtes d'accord? 6 ans. Sofiane s'est répété lui-même. 6 ans. Hakada? T'es sûr? Naam, 6 ans. Quant à son grand-père, Abdul Muttalib, il est décédé alors qu'il avait quel âge? 8 ans. Naam. Tayyib. Comment se prénomme la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Muhammad. Amina bint Man. Là, ne répète pas ce qu'on te souffle. Celui qui souffle, il est daïf. Celui qui souffle, il est daïf. Hein? Il n'est pas thiqa indana. Celui qui souffle, il est daïf. Mais tu n'as pas entendu. Donc, Aminatu bintu man? Bintu Wahb. Assalallahu alayhi wa sallam. Bintu Wahb. Tayyib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été allaité. Alayhi kadhalik? Par qui? Naam. Halima. Halima al-Sa'diya. Naam. Qui d'autre? Naam. Thuwayba. Qui était Thuwayba? La servante d'Abu Lahab. Qui est Abu Lahab? L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam se divisent en 3 catégories. Lesquelles? De t'interroger, ça me ferait trop mal au cou. Tafaddal. Ceux qui ont cru en lui, comme qui? Al-Abbas, Hamza, radiallahu anhumma. Lorsqu'on cite un sahabi, Ikhwan al-Kiram, parmi leurs droits sur nous, les élites de l'islam, ceux qui ont transmis cette science, nataradda alayhim. Nahnu ahla sunnah, idha dhakarna sahaba, adharna ta'zimahum wa mahabbatahum wa taraddayna alayhim. Nous, ahla sunnah, ceux qui avons un amour immense à l'égard des compagnons du prophète alayhi wassalam, ceux qui ont porté le dîn et l'ont propagé, ceux qui ont accompagné le prophète alayhi wassalam, on demande à Allah de les agréer. Dès qu'on cite un sahabi, on dit quoi? Radiallahu anhum. Radiallahu anhum. Tafaddal. Ceux qui ont mécru en lui, mais qui ne l'ont pas combattu, Abu Talib. Ceux qui ont mécru en lui l'ont combattu, Abu Lahab. Ahsant, jazakallahu khayr. J'aurais pu faire la leçon. Je n'aurais pas dit aussi bien que toi. Barakallahu fik. Vous avez entendu? Les oncles du prophète, alayhi wassalam, se divisent en trois. Ceux qui ont cru en lui et l'ont suivi dans son dîn, comme qui? Al-Abbas et Hamza. Ceux qui ne l'ont pas cru et l'ont combattu, comme qui? Abu Lahab. Et ceux qui ne l'ont pas suivi mais l'ont secouru pour Al-Qarab. Par lien de parenté, pas par amour dini, l'amour profitable chez Allah Azza wa Jalla, mais pour Al-Qarab seulement. C'est Abu Talib. Tayyib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez Bani Sa'd et il est survenu un événement, lequel? Shaqqu as-sadr, ahsanallahu ilayk, shaqqu as-sadr, l'ouverture de la poitrine. Quel âge avait-il? Quel âge avait-il? Non. Il avait 4 ans. Waqila, et il fut dit. Et il fut dit 2 ans. Mais la vie prépondérant est 4 ans. Car c'est l'âge, yani, à partir duquel il peut sortir avec ses frères de lait et le troupeau. Non. Sa poitrine a été ouverte, son cœur sorti, lavé, remis. Est-ce que cet événement s'est reproduit par la suite ou non? Duran. هل تكرر هذه الواقعة تكررت أم لا؟ أين وليد؟ نعم. الله أعلم. نعم الله أعلم صدقت عند من نعم وي كانت اسك avant le voyage nocturne, avant l'Isra ou le Mi'raj. Avant l'Isra ou le Mi'raj, l'ouverture de la poitrine s'est reproduite. واضح طيب. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été rendu à sa mère suite à cet événement. Est-ce que, naam, ba'dan, à quel âge, ou bien quel âge avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son premier voyage vers Al-Sham? Quel âge avait-il? Naam, 12 ans. Tayyib. À ses 25 ans, un événement majeur de sa vie a eu lieu. Lequel? Son mariage avec Khadija. Khadija bint Man. Khadija est la fille de qui? Khuwaylid. Ahsan ta'am. Khadija tu bint Khuwaylid. Kam kana umraha hina dhak? Quel âge avait-elle? Naam. 40 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam? 25 ans. Elle avait été mariée combien de fois auparavant? Deux fois. Naam. Combien d'enfants a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Combien d'enfants a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Naam. 7. Naam. Combien de garçons? 3. Combien de filles? 4. Taïb. Combien de garçons? 3 à la sahih. Sinon, il fut dit 9 garçons? Ou tu veux dire 9 enfants? Donc, toi, tu as dit combien de garçons? 3, on a dit à la sahih. Car il fut dit. Il fut dit combien de garçons? 5. D'où vient cette divergence? Ahsan, Ka'abdullah, l'enfant du prophète alayhi salatu wassalam, était également surnommé At-Tayyib et At-Tahir. At-Tayyib et At-Tahir. C'est pour cela que certains savants ont dit qu'il n'avait pas 3 garçons, mais 5. Alors qu'en réalité, ce sont des surnoms du fait qu'il est né après la révélation. Il est né en islam, alors que ses autres enfants étaient nés avant la révélation. De qui sont ses enfants? De qui sont ses enfants? Qui est la mère de ses enfants? Andaman. Hassan. Naam. Khadija. Hassan. Ma'adha, excepté Ibrahim, qui est l'enfant de Maria. Naam. Quels sont les noms de ses enfants? Quel est son premier fils? Quelle est sa kunya? Naam. Al-Qasim. D'où sa kunya? Abu al-Qasim. Taïb. Naam. Qui sont ces garçons? On a dit les 3/4 des réponses. Andaman. Yassine. Abdullah. Ibrahim. Qasim. Qasim, ça compte pas pour toi. Al-Qasim, Abdullah et Ibrahim. Dans l'ordre. Et le nom de ses filles? Ali, Zainab, Ruqayya, Umm Kulthum et Fatima. Il y a une divergence qui est la dernière, Umm Kulthum ou bien Fatima. Tous sont décédés de son vivant. Est-ce que vous êtes d'accord? Tous sont décédés de son vivant. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Même toi, Yanis? Qu'est-ce que tu dis, Yanis? Fatima est restée après sa mort. Combien de temps? 6 mois. Hassan. Naam. Deux ont été mariés au même homme. Est-ce possible en islam? Est-ce possible que l'homme épouse deux sœurs? Oui? Qui? Uthman ibn Affan radiallahu an. Comment était-il surnommé? Zunurayn. Pourquoi? Ça veut dire quoi, Zunurayn? Zou, ça veut dire quoi? Ma ma'ana Zou? Wa ma y'arabu? Quand on a parlé des arabes, vous baissez vos mains. Hey. Sahib al-Shay, Ahsant. Idan Zunurayn, le détenteur des deux lumières. Man huma, qui sont ces deux lumières? Naam. Ruqayya et Umm Kulthum. Tayyib. Donc l'homme peut épouser deux sœurs. Wa an tajma'a bayna al-ukhtayn. Que dire alors du verset d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'interdiction du lien entre deux sœurs? Naam. Si la première femme décède, il peut épouser sa sœur. Tu vas trop loin. Ou s'il divorce. Naam. Tayyib. Donc, c'est-à-dire en même temps. L'interdiction est en même temps. Tayyib. À 35 ans, un autre événement. Lequel? À 35 ans, un autre événement majeur de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. بناء الكعبة شارك مع قومه في إصلاح الكعبة. Pourquoi est-ce que la Kaaba a été détériorée? Ou quelle en est la cause? Abdillah. Une inondation. Une femme avec du bukhur qui a voulu parfumer le vêtement et elle l'a brûlé. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a réconcilié le peuple sur l'idée de mettre un vêtement et de poser la pierre noire dessus afin de la remettre en place. À ses 40 ans, il y a eu le plus grand événement. Lequel? Adam. À ses 40 ans. La prophétie, la révélation. Avec quoi? Par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam. Qui sont les meilleurs des anges? Qui sont les meilleurs des anges? Jibril. Ensuite Mikaïl. Ensuite Israfil. Quel est leur point commun? Hada su'alun kabir. Ça, c'est une grande question. Il a besoin d'un grand homme. Quel est le point commun entre Jibril, Mikaïl et Israfil? Tujib wa tusib tafaddal. C'est al-hayat. Naam. C'est la vie. Leur point commun, c'est la vie. Jibril, muakkalun bimada. Jibril est chargé de quoi? La révélation. Mikaïl est chargé de quoi? Comment? Non. La pluie, la végétation, ce qui a un rapport avec cela. Et Israfil, de souffler dans la trompe. Jibril alayhi salam vient avec la révélation. Avec celle-ci, il y a la vie des cœurs. Il y a la vie des cœurs, la vie des âmes. Avec el wahy, avec la révélation. Naam. Wa kadhalika uhayna ilayka ruhan min amrina. Ruh. Car avec la révélation, il y a la vie. Tel qu'avec l'âme, il y a la vie dans le corps. Lorsque l'âme sort, c'est la mort. Mikaïl et Mouakkal bil qatr wa nabat. Et avec cela, il y a la vie de la terre, ce avec quoi on cultive, on mange. Ça? Il y a la vie des corps. La vie de la terre avec, il y a la vie des corps. Et Israfil est chargé de souffler dans la trompe. Naam, qui va mettre fin à la vie de ceux qui seront encore vivants et à Yani la dernière fois qu'il soufflera, ça va, yani, suite à cela, Allah Azza wa Jal va refaire vivre tout le monde et les réunir sur la place du jugement dernier. Donc les trois ont comme rapport la vie. Non. Quels sont les versets qui lui ont été révélés? Où se trouvait-il? Andaman. Muhammad. Les versets de Suratu Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. La sourate entièrement ou non? Allahu a'lam, sadaqt. Inna min fiqhi ar-rajul an yaqula Allahu a'lam. Parmi la science de l'homme, qu'il dise Allahu alam lorsqu'il ne sait pas. Salim. Non. Les cinq premiers. Ahsant. Tayyib. Puis, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une interruption. Et à nouveau, il a reçu la révélation. Avec quel verset? Ou quelle surah? Naam. Al-Muddathir. Naam. Ainsi, il est devenu messager. Rasoulan. Lida. يقول العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. C'est pour cela que le grand savant de l'islam محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى a dit, il est devenu prophète avec إقرأ et messager avec المدثر. نعم. Ce livre, dans ce livre, ce grand livre qu'il nous faut tous étudier et réviser et mettre en pratique, الأصول الثلاثة الأصول. Thalathatu al-usul. Naam. Tous, on doit étudier la voie. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti faire da'wah. Il a commencé par qui? Il a commencé par qui? Amadou. Sa famille. Ahsant. Barakallahu fik. Tu as parlé peu, mais tu as parlé juste. Donc, il a commencé par ses proches parents. Qui a accepté son prêche en premier? Qui a accepté son prêche en premier? Khadija, radiallahu anha. C'est la première croyante d'entre tous les sahabes. D'entre tous les sahabes, la première, c'est une femme, c'est Khadija, radiallahu anha. Quel est le premier homme? Quel est le premier homme à l'avoir cru et suivi dans son dîn? Abu Bakr, al-Siddiq. Comment s'appelle Abu Bakr? Comment s'appelle-t-il? Tu pensais qu'il s'appelait Abu Bakr? Abu Bakr, c'est sa kunya, comme la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Abu al-Qasim, n'est-ce pas? Abu Bakr, c'est comme Abu al-Qasim pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire le père de un tel. Mais il a un prénom. Lequel? Je ne sais pas. Je vais répondre à tout. Naam. Abdullah. Ahsant. Abdullah ibn Man. Al-Bab. Naam. Abdullah ibn Ibn Asman. Vous êtes d'accord? Abi Quhafa. Abi Quhafa, c'est sa kunya. Donc vous avez tous les deux bons. Abu Quhafa, c'est la kunya du père de Abu Bakr. Hal aslam Abu Quhafa? Est-ce que Abu Quhafa s'est converti à l'islam? Naam. Quand est-ce que? Comme on le verra, Inch'Allah ta'ala. À l'ouverture de Mecca, Al-Fath, il avait presque perdu la vue, il était très âgé et ses cheveux étaient blancs. Naam. Et dans un chapitre du livre de l'Allama Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, Jami' al-Sahih, il a mis un chapitre sur le fait de changer les cheveux blancs de la personne et il a cité ce hadith. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit changer la blancheur de ses cheveux avec le hanna et autres. Naam. Quel est le premier enfant à avoir cru en lui? Quel est le premier enfant à avoir cru en lui? Indaman. Ali ibn Man. Ibn Abi Talib. Abu Talib, c'est une kunya. Quel est son prénom? Manujib. Andaman. Adam Andakain. Aina Yaduk. Yanis. Hey. Naam. Shayba. T'as entendu? Shayba. Barakallahu fik. Tayyib. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait da'wa aux autres, et Abu Bakr radiallahu anhu pareillement, et par sa cause se sont convertis les grands parmi les sahaba, les promis au paradis. Et il a fait da'wa, une da'wa sirriya qui n'était pas ouverte. Puis la da'wa a été ouverte et des grands se sont, et ils sont entrés en islam, comme Hamza, comme Omar radiallahu anhuma. Et ce dîn s'est renforcé par leur conversion à l'islam. Lorsqu'il y a eu de nombreuses nuisances subies par les sahaba radiallahu anhum, particulièrement les faibles parmi eux, ceux qui n'avaient pas de grande tribu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a permis de quitter la Mecque vers un autre endroit. Lequel? Al-Habasha. À combien de, combien de fois s'est produit cette petite égir? Deux fois. Naam. Pourquoi est-ce qu'ils sont revenus? Où sont-ils partis? Fil Habasha. Pourquoi fil Habasha? Pourquoi fil Al-Habasha? Naam. Vous deux, vous répondez. Parce qu'il y avait un empereur en Égypte. Car il y avait un empereur en Égypte qui était prince de paix. Naam. Je ne te questionne pas sur ce dont tu ne te souviens pas. Pourquoi sont-ils allés là-bas? Pourquoi pas ailleurs? Demande à ton voisin de répondre. Naam, akhi. Tayyib. Naam, akhi. Car il était droit, comme tu dis. Car il était juste. Et on n'opprimait pas les gens de son peuple dans son royaume. Naam. C'est pour cela qu'ils ont choisi Al-Habasha. Pourquoi sont-ils revenus la première fois? Pourquoi sont-ils revenus la première fois? Andaman. Une mauvaise information, une rumeur. Laquelle? Naam. L'annonce de la conversion de Quraysh. Mais en réalité, c'était différent. Donc, ils sont repartis bien plus nombreux que cela. Par la suite, 10 ans après cela, il y a eu Al-Isra ou Al-Mi'raj. Que signifie Al-Isra? Et que signifie Al-Mi'raj? Que signifie l'Isra? Andak sahibana. Le voyage nocturne. Al-Sayr min al-Layl. Al-Isra signifie le voyage de nuit. Et Al-Mi'raj. Un peu plus difficile. Al-Mi'raj. Al-Mi'raj. Ce wazna là-bas, c'est Ismu Ala. C'est le nom de l'outil. Al-Mi'raj. Al-Uruj, c'est Su'ud. C'est l'élévation. Donc c'est long, c'est le nom de l'outil qui sert à monter. Al-Mi'raj à la base. Naam. Mais on fait référence directement à l'ascension. À l'ascension. L'élévation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, corps et âme, jusqu'au septième ciel et au-dessus. Al-Isra s'est fait sur quoi? Al-Isra s'est fait sur quelle chose? Naam. Al-Buraq. Naam. Al-Buraq. Qui était tel un mélange d'animal. Et d'une vitesse incommensurable. Lorsqu'il faisait un bond, il atteignait l'horizon. Al-Isra s'est fait d'où à où? Mais al-Masjid al-Haram et al-Masjid al-Aqsa. La baisse. Il s'est fait d'où à où? C'est bon ce que tu as dit. De Mecca jusqu'à Bayt al-Maqdis. D'où à où ? Man indahu ziyadatu ilm. Qui a une science en plus. Comment ? Al-Isra. Plusieurs riwayats sont venus. Naam. Là, Al-Isra, pas Al-Mi'raj. Al-Isra. De la maison de Umm Hani. De la maison de Umm Hani. D'autres ont dit Al-Hijr, d'autres ont dit et d'autres ont dit. Ala kulli hal, min Mecca ila Bayt al-Maqdis. Ensuite, Al-Mi'raj a eu lieu d'où à où ? Al-Mi'raj. De Bayt al-Maqdis jusqu'aux cieux. Hakala. Voyez. Que s'est-il passé au premier ciel ? Que s'est-il passé au premier ciel ? Que s'est-il passé ? Est-ce qu'il traversait les cieux les uns après les autres et il continuait ? Hana, comme tu es loin, on ne va pas t'alourdir par le fait d'élever ta voix. C'est pour ça que je ne t'interroge pas. J'ai vu ta main. Barakallahu fik. Tu t'approcheras, Inch'Allah, dans le groupe la prochaine fois. Donc, il y a des portes, il y a des gardiens. Naam, il y a des gardiens. À chaque ciel, il y a des gardiens. Naam, on va dire il y a des gardiens. Et à chaque fois qu'il arrivait au ciel, il y avait l'istizan, la demande de permission d'entrer. Et on demandait qui est-ce Jibril, est-ce que tu as accompagné? Oui. De qui? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il a été convoqué? Oui. Et il entrait et il y avait un ou des prophètes. Et on lisait marhaban. On lui souhaitait la bienvenue. Tayyib. Au septième ciel, ou bien avant cela, que s'est-il passé avec Moussa alayhi salam? Que s'est-il passé avec Moussa alayhi salam de particulier? Allahu Akbar, Ahsant, ma zanantuka mujiban ala hada. Je ne pensais pas que tu allais répondre à cette question. Et je pensais que tu allais te tromper en confondant avec le retour. Tafaddal. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لمة نعم تفضل إلى أبي موسى pleuré pourquoi est-ce qu'il a pleuré موسى عليه السلام car موسى عليه السلام avait la plus grande communauté صح. Mais après l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous, sa communauté, votre nombre est plus élevé. Donc quand Moussa alayhi sallam a vu cela, bac, il a pleuré parce qu'il y a un prophète qui est venu après lui et il a eu plus de suiveurs. Falillah ilhamd. Naam. Et arrivé au septième ciel, que s'est-il passé? On a dit qu'il était accompagné de qui? De Jibril. Et de quoi? Al-Buraq. Arrivé au septième ciel, que s'est-il passé? Il a vu Jibril accoudé à, appuyé à Bayt al-Ma'mour. Bayt al-Ma'mour se trouve où? Fisama Sabi'a. Au-dessus d'Al-Ka'b. Qui a-t-il de, qui entre fi Bayt al-Ma'mour? Chaque jour, ils n'en reviennent jamais. Indaman. Des anges. 70 maisons. Ils n'en reviendront jamais. Al-Allama, Shir Zayd, Al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, dit, on tire de ce hadith une faïda. C'est que personne ne connaît le nombre des anges si ce n'est Allah. Imaginez, 70 000 chaque jour qui entrent, ils n'y reviennent jamais. Qui peut calculer leur nombre? Wa la ya'lamu junu rabbika illa. Sah? طيب Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite a dépassé cet endroit-là et Jibril n'a pas pu l'accompagner. Lorsqu'il est monté au premier ciel, puis au second, puis au... Il monte vers qui? Naam. Vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et de cela, il y a une grande preuve qu'Allah azza wa jal est où? Élevé au-dessus des cieux. Ala al-arsh istawa fil 'ulu. Il y a une preuve de al-'ulu. Il n'y a pas une preuve pour al-istiwa al-arsh, mais il y a une preuve pour al-'ulu. Parce que l'ulu c'est une sifat dhatiya. Et il y a des preuves de l'istiwa al-arsh dans d'autres versets. Al-Rahman al-arsh istawa, thumma istawa al-arsh al-Rahman. Naam. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné une grande adoration. Laquelle? Toutes les adorations lui ont été légiférées alors qu'il était sur la terre, excepté une. Laquelle? Indaman. La prière. Jazakallahu khayr. La prière. Et ça nous montre l'importance de la salat. Ça nous montre l'importance de la salat. Et c'est la dernière chose qui a fait sourire le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant son décès. Lorsqu'il a vu sahaba réunis pour la salat. Non? Combien de prières est-ce qu'on lui a ordonné? Combien de prières on lui a ordonné? 50. Ensuite il est redescendu, n'est-ce pas? Arrivé au niveau de qui on lui a parlé afin qu'il remonte? Au niveau de Moussa. Que lui a dit Moussa alayhi salam? Comment? Il lui a dit de remonter vers Allah. Le fait que Moussa lui a dit de repartir vers son Seigneur, alors qu'il descendait donc du haut par définition, il y a une preuve de quoi dans cela? Non? Al-ulu, qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus des cieux. Qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus des cieux. Et que c'est la aqidah de Moussa alayhi salam. Et que c'est la aqidah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Pharaon, lorsque Moussa alayhi salam l'a informé qu'Allah était fils sama, non, qu'est-ce qu'il a dit à Haman? Ubnili sarhan la'alli attali'a ila ilahi Moussa. Non, mais inni la'azunnuhu kadiba. Les ulama ont dit que c'est la preuve que Moussa avait dit à Pharaon que son seigneur est où? Fils sama. Mais Pharaon l'a démenti. C'est pour cela que dans Sharh de Tahawiyya tu trouves من قال بأن الله في السماء فهو عقيدة موسائي فهو موسائي أي من أتباع موسى عليه السلام ومن قام من أنكر العلو فهو في العون نعم celui qui affirme qu'Allah عز وجل est élevé au-dessus des cieux il aura la aqida de Moussa عليه السلام. Vous savez tous que les prophètes ont la même aqida, n'est-ce pas? Et celui qui renie العلو sa aqida sera semblable à la aqida de qui? De Pharaon. Naam. Barakallahu fikum. Il est remonté et n'a cessé de faire cela jusqu'à ce qu'on lui allégea le nombre de salat, de salawat à combien? À 5. Mais dans la récompense, ça vaut combien? 50. 50. C'est comme si tu faisais 50 salawat. Comme l'a expliqué Ibn Asim, rahimahullahu ta'ala. Tu as donc la récompense comme si tu faisais 50 salawat. Wa hadha fadlullahi wallahu dhul fadlil azim. Naam. Puis, les sahaba ont fait salat. Et par la suite, il y a eu Al-Hijra. Il y a eu Al-Hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mus'ab ibn Umayy. Le Médina a enseigné aux gens le Coran et ainsi de suite. Puis, les sahaba se sont succédés par petits groupes et ils partaient en cachette. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a permis de faire Al-Hijra avec son compagnon, lequel? Abu Bakr. Ahsan. Abu Bakr. Et toute la famille d'Abu Bakr était au service du prophète alayhi wasallam dans cette hijra. Naam. Donc ils sont partis jusqu'à arriver à Al-Madina. Et c'est le jour où Al-Madina a été illuminé, comme l'ont rapporté les sahaba. C'est le jour où les sahaba ont été le plus, se sont le plus réjouis. Et le prophète alayhi wasallam est arrivé. Walhamdulillah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit la première mosquée. Laquelle? Duran. Quelle mosquée, la première mosquée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit à Médina, c'est laquelle? Walid? La Taïf? Là. Ali? Masjid Quba? Masjid Quba. Ensuite, Abdullah? Abba Ibrahim? Après avoir fait Masjid Quba, il a fait quelle mosquée? Maouf, il n'y a pas de piège. Je ne vais pas te faire un piège à toi quand même. Al-Masjid al-Nabawi. Al-Masjid al-Nabawi. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les grandes actions qu'il a fait arrivant à Médina, qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam? Une grande action. Un des points les plus importants nous concernant entre nous. Comment? Akha bayna al-muhajirina wal-ansar. Akha baynahu. Wa nabadha al-furqa. Il a repoussé toute division. Et il a uni al-muhajirun wal-ansar. Et il les a rendus frères les uns des autres. Naam. Puis, en l'an 2 de l'Égypte, que s'est-il passé? Deux points majeurs, lesquels? Non. Une adoration légiférée et une expédition. Non. Ghazwat Badr. Non. Et Ma'aruf. As-Sawm, Ahsant. Fardiyat Siyam Shahr Ramadan. Taïb. En l'an 3. Ghazwat Uhud. Avant cela, Banu Qaynuqa' avait trahi. Naam. Ensuite, il y a eu Ghazwat Uhud. Ensuite, en l'an. Taïb. Qui est décédé dans la bataille de Uhud de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Naam. Hamza ibn Man Abd al-Muttalib. Hamza ibn Abd al-Muttalib, Sayyid al-Shuhada radiallahu anhu. Ensuite, en l'an 4, que s'est-il passé? Naam. Ghazwat Badr al-Maw'id. Mais les Kuffar Quraysh ont rebroussé chemin. Ensuite, en l'an 5, non, il y a eu Harithatul Ifk. Non, au retour d'une expédition. Et Allah Azza wa Jalla a innocenté sa servante et a élevé sa renommée et a humilié le munafiqoun. Non. Et cela nous amène à Ghazwatul Ahzab. Combien de temps reste-t-il? Comment? Taïb. Alhamdulillah wa ba'd. Donc cela nous amène à Ghazwatul Ahzab. Et yuqalu laha ayda Ghazwatul Khandaq. Donc l'expédition suivante est la bataille de Al-Ahzab, qui signifie les coalisés, un groupe de personnes se rassemblant dans une cause commune, en référence à Quraysh, à Banu Nadir et autres, Banu Ratafan et autres. On l'appelle aussi Ghazwatu al-Khandaq, la bataille du fossé, des tranchées. Pourquoi? Car, suite à la consultation, ils ont décidé de creuser sur une partie de l'Médina, un grand fossé, pour ne pas laisser l'ennemi entrer à Al-Madinah. Et dans cette bataille, il y a eu de nombreuses épreuves. Et cette tranchée a été faite du côté sud de Al-Madinah. Pourquoi? Car c'était l'entrée où une armée pouvait passer, où c'était facile d'accès. Par contre, à l'ouest et à l'est, il y avait des roches montagneuses qui étaient très difficiles d'accès et les chevaux et l'armée ne pouvaient passer par là. Dans l'autre côté, il y avait qui ? Il y avait Banu Nadir avec qui ils avaient un pacte. Il y avait Banu Nadir avec qui ils avaient, Banu Qurayza. Banu Qurayza avec qui ils avaient un pacte. Razwatul Ahzab, c'est la dernière razwa où les Sahaba, na'am, ont reçu l'ennemi. Après Razwatul Ahzab, plus jamais ils ne sont venus à Al-Medina. Mais ce fut le contraire. Waqa'at fi Shawwal. Cette bataille a eu lieu dans le mois de Shawwal, Sanata Khams, en l'an 5. Comme c'est l'avis de la plupart des savants, Ibn Ishaq et d'autres. Dans cette bataille se sont distingués les croyants des hypocrites. Et ils ont énormément été éprouvés. Quelle est la cause de Razwatul Ahzab? C'est que Banu Nadir, qui avait été expulsé à Khaybar pour une partie d'entre eux, se sont rendus à Mecca et sont partis voir Quraysh pour les pousser à lever une armée imbattable selon eux contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'en finir avec eux. Suite à leur expulsion de Médina et leur rancœur, alors qu'ils avaient rompu le pacte et étaient eux en tort, alors ils ont envoyé une délégation à Mecca et pour leur dire: sommes avec vous, levez une armée, on vous assistera et on les battra et ceci et cela. Par la même occasion, ils ont demandé, Quraysh a demandé à Banu Nadir en leur disant: vous êtes Ahlul Kitab, vous êtes des gens du livre, donc vous avez connaissance. Qui est sur la bonne voie? Nous? Qui sont les mieux guidés? Nous ou bien Mohammed? Ils ont répondu: vous. Car ils disaient à chacun ce qu'ils voulaient entendre. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé: Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yu'minuna bil jibti wat ta'ut wa yaquluna lil ladhina kafaru ha'ula yahda min alladhina amanu sabiyya. Dans sourate An-Nisa, le verset 51, Allah azza wa jal nous cite cela. Même si le sénat des Mursal, si ce n'est que beaucoup parmi les Mouakhiroun l'ont cité. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a montré ô combien cette situation a été éprouvante pour les croyants. Il nous dit: Idja'u min fawqikum wa min asfala minkum. Min fawqikum, c'est-à-dire Quraysh et l'Ahzab. Quraysh et l'Ahzab. Tout à l'heure, j'ai dit Shamal, j'ai traduit par le sud, il me semble. C'est le nord. Il faudra corriger. Il me semble avoir traduit par le sud. Naam, c'est le contraire. C'est le nord. Lorsque je parlais du côté des tranchées. Naam. Donc, Al-Shamal, de ce côté-là sont arrivés les ennemis. Wa min asfala minkum. D'en bas, c'est-à-dire Banu Qurayza, qui ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants, et se sont alliés aux Ahzab. Wa izaratil absar wa balaratil qulubul hanajir. Vous pouvez me donner une traduction. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ بَتُولِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Dans Surat Al-Ahzab, le verset 10 et le verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le début de cette situation. C'est qu'ils ont été envahis de toutes parts. Ils ont été envahis de toutes parts. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Plus haut, quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, de toutes parts, et que les regards étaient troublés et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Donc, la multitude des tribus, des ennemis et leur venue de toutes parts fut une grande épreuve. Ajoutez à cela qu'en chemin, les Ahzab sont partis voir Banu Ratafan, une grande tribu du Najd. Et ils se sont ralliés à leur cause. Donc en nombre, c'était un nombre incalculable. Il fut dit 10 000. Il fut dit qu'ils étaient 10 000. Et Qa'iduhum Abu Sufyan, radiallahu anhu. Et Unayna était le Qa'id de Ratafan. Quant aux hypocrites, leur agissement ajoutait fitna à la fitna. C'est qu'ils poussaient les croyants à délaisser pendant les travaux Al-Ahzab, Mada Al-Khandaq. Puis, lors de leur venue, ils poussaient les croyants à rentrer chez eux, à délaisser le tout en disant nos demeures ne sont pas sécurisées. Mais en réalité, ils sont lâches, comme c'est bien connu chez Al-Munafiqoun, qu'ils sont des lâches. Allah Azza wa Jalla les a dévoilés. Il y a qu'un Al-Munafiqoun wa al-ladhina ma'ahum. Ils ont eu des doutes sur Allah Azza wa Jal. Ils ont une mauvaise opinion de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, en disant Allah et son messager nous a promis que mada illusion. Allah et son messager nous ont promis que tromperie. Donc ça, c'est la position de l'munafiqoun. Et ils ont commencé à trahir les croyants. وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. Ils ont dit aux gens de Medina, vous n'avez rien à faire ici, revenez. Ça c'est le munafiqoun qui pousse les croyants à trahir et à tromper. وَيَسْتَأْذِنُونَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ. Une autre partie, de même qu'un groupe d'entre eux dit aux gens de Yathrib, ne demeurez pas ici, retournez chez vous. Un groupe d'entre eux demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission de partir en disant nos demeures sont sans protection, alors qu'elles ne l'étaient pas. Ils ne voulaient que s'enfuir. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. Ensuite الله عز وجل nous dit: et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville, et qu'ensuite on leur avait demandé al-fitna, c'est-à-dire al-kufr, de sortir du din, ils l'auraient certes accepté. À la moindre épreuve, al-munafiqoun aurait délaissé. Contrairement aux sahaba qui sont ahl-sabat, ceux qui restaient fermement accrochés à leur din, et ils n'auraient guère tardé. C'est-à-dire une petite épreuve, ils n'auraient pas tardé à rejoindre al-kufr. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارُ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. Alors qu'auparavant, ils avaient pris l'engagement envers Allah qu'ils ne tourneraient pas le dos, et il sera demandé compte de tout engagement vis-à-vis d'Allah. Voici la position de Al-Munafiqun. Et les Al-Mu'minun, les croyants ont été éprouvés de plusieurs sortes d'épreuves. Premièrement, كَثْرَةُ الْعَدَدِ. L'ennemi était très nombreux. Deuxièmement, al-juhd al-kabir fi hafr al-khandaq. Deuxièmement, les efforts fournis pour creuser les tranchées. En quelques jours, ils ont creusé des mètres de profondeur, des mètres de largeur sur 2 kilomètres ou plus. Troisièmement, al-waqt al-qasir, le temps pressait, l'ennemi était en route. Troisièmement, khiyanatu bani Qurayza, la trahison de Banu Qurayza. Shiddatul bard, ils faisaient énormément froid. Shiddatul khawf, ils avaient énormément peur. Shiddatul jour, ils avaient très faim. À un point tel que Sahaba mettaient une pierre sur leur estomac et serraient cela pour appuyer et enlever la sensation de faim. Même le prophète alayhi salatu wassalam, sur son noble ventre, a mis cela. Non. Pourquoi? Car ils avaient très faim, radiallahu anhum, au point où ils mangeaient des choses de la terre et même des choses qui avaient une odeur nauséabonde. Non. Aussi, Shiddatul Hisar, ils ont été ma'adha. Ils ont, yani leur ville a été entourée. Comment est-ce qu'on dit en français? J'ai oublié le Hisar. Ils ont subi un embargo. Barakallahu fikoum, ils ont subi un embargo. Aussi, les munafiqoun, yani shakkakouhum, tentaient de les mettre dans le doute, de les faire douter de la promesse d'Allah Azza wa Jal. En disant, Allah et son messager nous ont promis que qu'illusion et tromperie. Et ils ont poussé à délaisser le prophète alayhi salatu wassalam. Aussi, ils ont été décrits par la lâcheté. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفِ رَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يَغْشَى عَلَيْهِ يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits ainsi. C'est que lorsqu'ils, yani, ils ont peur, ils regardent à droite et à gauche, comme la personne qui a peur de la mort. Et Allah Azza wa Jal leur dit: "Qul la yanfa'ukum al-firar in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila. Qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min duni Allahi waliyan wa la nasira." Dit: jamais la fuite ne vous sera utile. Si c'est la mort ou le décès dans le combat que vous fuyez, dans ce cas, vous ne jouirez de la vie que peu de temps. Dit: quel est celui qui peut vous protéger d'Allah s'il vous veut du mal ou s'il veut vous accorder une miséricorde? Et ils ne trouveront pour eux-mêmes en dehors d'Allah ni alliés ni secoureurs. Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés de l'avarice. Ils sont avares, radins, al-munafiqoun. Et ils sont lâches et faibles. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Certes, Allah connaît ceux d'entre vous qui suscitent des obstacles, donc ceux qui ont des empêchements, ainsi que ceux qui disent à leurs frères: venez à nous, tandis qu'ils ne déploient que peu d'ardeur au combat. Avare à votre égard. Les munafiqoun, ahlul shuh. Les munafiqoun sont des gens avares dans tout, avares dans le khayr, avares dans l'argent, avares dans le bien, dans tout. Puis quand leur vient la peur, tu les vois te regarder avec des yeux révulsés, comme ceux de quelqu'un qui s'est évanoui par peur de la mort. Ça, c'est al-munafiqoun. Une fois la peur passée, ils vous lacèrent avec des langues affilées, alors qu'ils sont cap, ou bien chiche, ils ont écrit ici, à faire le bien. Ceux-là n'ont jamais cru. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la finalité d'al-munafiqoun, en nous disant: oulaika lam yu'minu. Ceux-là n'ont jamais eu la foi. Parce que al-munafiqoun montre l'iman en apparence, mais cache dans leur cœur le contraire. فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ. Leurs actions ont été annulées. Et ceci est facile à Allah. Voici le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu donc l'information de la venue des coalisés, il a consulté sahaba et ils se sont mis d'accord pour faire les tranchées suite au conseil de Salman al-Farisi, selon l'avis qui est répandu. Et Mada, cela a eu lieu en direction du nord-est ou du nord-ouest de Al-Madina, car les autres endroits étaient sécurisés en apparence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ce qu'on mette les femmes et les faibles dans des espèces de forteresses, comme ça a été rapporté par Muslim. Puis ils ont creusé les tranchées. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avoir faim. Et il a vu une pierre sur son ventre. Alors il est parti voir son épouse. Et il lui a dit, j'ai vu le prophète alayhi wa sallam dans cette situation, est-ce que tu as quelque chose pour le nourrir? Elle lui a dit, je n'ai que tel petit, c'est-à-dire parmi les bestiaux, et un peu de farine. Elle a fait du pain, ils ont sacrifié la bête et l'ont cuisiné. Il y en avait assez pour une poignée de personnes. Elle lui a dit qu'il vienne, mais avec quelques personnes. Alors Jabir a dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'avait pas mangé depuis des jours, a appelé tous sahaba. Ils sont tous venus. Il a dit de ne pas ouvrir la marmite. Quand l'épouse de Jabir a vu cela, elle s'est retrouvée dans la gêne. Mais Allah Azza wa Jal a mis un miracle dans ce repas. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam servait à chacun un bout de pain avec de la soupe et de la viande. Et tout le monde a mangé. Et il en restait encore à la fin. Et il en restait encore à la fin. Et cela fait partie des mu'jizat qu'il y a eu dans la bataille de Al-Ahzab. Radiallahu anhum. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus fort d'entre eux. Lorsqu'il creusait, il tombait sur une surface plate qu'il n'arrivait pas à casser, sachant qu'ils avaient des outils vraiment non développés. Ils appelaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui, par la grâce d'Allah azza wa jal, tapait sur cela et cassait cela, comme c'est venu dans le hadith. Et Allah azza wa jal lui a ouvert les, yani plusieurs trésors. En tapant une première fois dans un des hadiths de Al-Bara, inda Ahmad, rahimahullah ta'ala wa radiallahu an Al-Bara, an Ahmad, imam Ahli Sunnah, ils ont appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam car il n'arrivait pas à casser une certaine pierre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et a dit Allahu Akbar, il a tapé cette pierre qui s'est fissurée et a remercié Allah Azza wa Jal en disant qu'il voit les trésors du Sham et qu'on lui a ouvert cela. Une deuxième fois, on lui a ouvert les trésors de Faris et une troisième fois, les trésors du Yémen. Aslahallahu bilad al-muslimin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam participait. Il mettait ses mains dans la poussière et il supportait avec les sahaba la douleur, il supportait avec les sahaba la faim, il supportait avec les sahaba leur crainte. Il était proche d'eux et il les rassurait. Il invoquait Allah tabaraka wa ta'ala envers la faveur, envers leur faveur. Et il faisait les causes avec eux. Et c'est ça, haqiqatu tawakkul ala Allah azza wa jal. Le fait de faire les causes, puis d'abandonner son affaire à Allah azza wa jal. Pas le fait de dire, on compte sur Allah mais on n'agit pas. On compte sur Allah mais on reste dans les péchés. On compte sur Allah et on délaisse les bonnes actions. Non, tu fais les causes et tu abandonnes ton affaire à Allah azza wa jal. Voici la réalité du tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le sahaba faisaient ces travaux, il disait Allahumma inna khayra khayra al-akhira faghfir lil-ansari wal-muhajira. Ô Allah, il n'y a de bien que le bien de l'au-delà. Accorde donc ton pardon aux Ansar et aux gens de l'Muhajir, aux Muhajir, comme c'est venu dans le Bukhari. Et eux disaient, نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِينَ أَبَدًا. Et eux disaient, nous sommes ceux qui avons prêté allégeance à Muhammad sur l'Islam tant qu'on sera là, et cela pour toujours. Et ainsi le prophète alayhi salatu wassalam les réconfortait, les apaisait, faisait du'a pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Ammar ibn Yasir, écoute l'adhan, et parmi ce qu'il disait pour se motiver, Allahumma laula anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna fa anzilanna sakinatan alayna wa thabbitil aqdama in laqina. O Allah, sans toi, nous n'aurions pas obtenu la guidée, ni fait d'aumône et ni accompli la prière. Fais donc descendre sur nous la sérénité et affermis les pas lors de la rencontre. Et d'autres belles paroles de As-Sahaba radiallahu anhum. Pendant ce travail, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Ammar ibn Yasir radiallahu anhu, radiallahu anhuma. Il portait deux pierres et les gens portaient une par une. Il a regardé Ammar ibn Yasir radiallahu anhu et lui a dit: Waila ibn Sumayya, Waila ibn Sumayya. C'est une kalima de tarahum en réalité. Ta'tuluhu al-fi'atul ba'iyah. Il a vu Ammar ibn Yasir et a été touché de miséricorde pour lui, car Allah Azza wa Jalla lui a révélé que Ammar ibn Yasir allait décéder lors d'une fitna future, et que la dernière chose qu'il consommera est un verre de lait. Et ça s'est produit exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, et ceci fait partie des signes de la véracité de sa prophétie, car il est mort lors de la bataille de Siffin aux côtés de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Qu'en est-il de la tranchée qu'ils ont creusée? Elle faisait 5000 coudées. Deux coudées, c'est un mètre. Donc elle faisait 2,5 km. Ils ont creusé 2,5 km. Et en largeur, 9 coudées, c'est-à-dire 4 mètres. Donc 2,5 km de longueur et 4 mètres de largeur. Quant à sa profondeur, 7 coudées. 7 coudées. De 7 à 10. De 7 à 10. Et donc les sahaba se sont entraidés dans cela. Combien de temps a duré ces travaux? Certains savants ont dit près d'une semaine, 6 jours. D'autres ont dit plus. D'autres ont dit plus. Lorsque les Ahzab sont arrivés, ils ont été surpris par Al-Khandaq, chose qu'ils ne connaissaient pas. Donc ils ont tout fait pour dépasser Al-Khandaq, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Et il fut dit que Ikrima ibn Abi Jahl radiallahu anhu et d'autres ont réussi, et ensuite il y a eu quelques combats. Ils ont donc mis les musulmans dans un embargo et leur ont coupé l'accès à la subsistance. Ils ont tellement été occupés par l'Ahzab qu'ils ne leur ont pas laissé de répit, à un point où ils n'ont pas pu prier la prière du Asr à l'heure. La prière du Asr est sortie de son temps, c'est-à-dire que le soleil s'est couché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua contre eux en disant: Mala Allahu quburahum nar, sharaluna an salati al-Asr. Allah Azza wa Jalla, le prophète sallam a fait dua contre eux qu'Allah remplisse leur tombe de feu, car ils les ont occupés, ils n'ont donc pas pu prier la prière du Asr. Et si tu vois l'importance de la salat dans son temps, c'est-à-dire que même pendant la guerre, ils faisaient salat à l'heure. Pendant la guerre. Non. Alors que l'un d'entre nous a peut-être du laxisme en temps de sécurité. Haoulahum sahaba. Voici les sahaba qui ont donné cette importance à cette salat. Et à l'époque, il n'y avait pas encore salatul khawf. À l'époque, il n'y avait pas encore la prière de al-khawf qui a été légiférée plus tard. Il y a eu peu de décès lors de cette bataille car ils étaient loin les uns des autres. Sa'd ibn Mu'adh radiallahu anhu a été touché. Il a été touché, mais il n'est décédé qu'après la bataille de Banu Qurayza, juste après Al-Ahzab. On lui a mis un camp dans la mosquée, le prophète alayhi salatu wassalam le visitait. Et Shi'ar al-Muslimin, la parole distinctive des croyants, était Hamim la yunsaroun. Avec toutes ces difficultés et le vent et le grand nombre, Allah Azza wa Jalla a préservé les croyants. Car c'est la sunna d'Allah, il éprouve ses croyants et les secours au final et élève leur rang et fait qu'on ne les mentionne qu'en bien. وكفى الله المؤمنين القتال. الله عز وجل nous dit qu'il a préservé les croyants du combat. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé les croyants du combat par deux causes. L'envoi d'un vent violent et glacial qui éteignait les marmites de Kuffar Quraysh, qui retournaient leurs tentes, qui leur faisaient peur. Et deuxièmement, par un homme qui s'appelle Nu'aym ibn Mas'ud, qui a embrassé l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a reçu. Et ce dernier a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être à son service. Que puis-je faire pour toi? Et il lui a dit de repousser leur mal. Alors il est parti voir chacune des tribus et les a montées les unes contre les autres en leur disant ils vont vous trahir, ils vont vous trahir, ils vont vous trahir. Et ainsi ils n'ont plus confiance les unes envers les autres jusqu'à ce qu'ils ont douté les unes des autres. Et au final, Banu Nadir est reparti. Et au final, Banu Qurayza, après avoir trahi, également a rebroussé chemin. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela comme étant un bienfait. Après la salat, on finit rapidement, incha'Allah ta'ala. Wallahu a'lam wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.